Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Le vent. Le vent mauvais nous pousse vers la falaise. Truc qui te remonte des pattes jusqu'au cerveau. Truc de fou, truc de teinte. Ouais, les réglages sont pas terribles.